turn the mic out. Profitez de l'instant présent. Profitez non à 100 mais plutôt 110%. Laissez le passé derrière, soyez aller de l'avant. Profitez de chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque moment. Quand on veut quelque chose, faut jamais laisser tomber. S'accrocher à nos rêves comme si nos vies en dépendaient. Surtout ne jamais baisser les bras, non ça jamais. Tout en vivant sa vie comme on le voudrait. Ta vie est soit le seul incident de ton présent et ton futur sera sans incident. Vite tes envies, ne sois pas hésitant. À présent, tu sais que rien n'arrive pas quittant. De ton destin, ne remets rien à demain. Bats-toi pour tes rêves jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Offre-toi une vie hors du commun. Mais pour ce faux se bat du soir au matin. De tout ce que tu as, surtout ne lâche rien et tout ira bien. Accroche-toi à tes rêves, car ça, personne ne pourra te les ôter. Avant qu'on envie s'achève, et toutes tes chances de ton côté. Tous tes échecs, tu te relèves, ça ne pourra que te renforcer. Ne laisse pas le train de la vie passer devant toi sans en être passager. Sois le seul incident de ton présent et ton futur sera sans incident. Vite tes envies, ne sois pas hésitant. Qu'à présent, tu sais que rien n'arrive pas excitant. D'avoir assez vécu. Si j'esquisse un sourire, c'est pour vous cacher ce mal qui me tue. Rien ne sert de courir, l'important c'est d'atteindre son but. Si ton rêve ne cesse de grandir, c'est pour ne pas le perdre de vue. Je n'ai pas peur de mourir, mais peur de ne pas avoir assez vécu. Si j'esquisse un sourire, c'est pour vous cacher ce mal qui me tue. Rien ne sert de courir, l'important c'est d'atteindre son but. Si ton rêve ne cesse de grandir, c'est pour ne pas le perdre de vue. Carpe diem.